بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نحن ما زلنا في آخر القاعدة وآخر القواعد التي ذكرها الإمام محمد بن صالح العثيمين في هذا الكتاب الممتع الذي يعتبر عمدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وأن الذي درس مثل هذا الكتاب ماذا حصل على حصيلة علمية طيبة نافعة على مدار عمره وطول حياته. On est toujours dans ce livre extrêmement bénéfique, le livre de l'imam Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, et on est arrivé à la dernière des règles qu'il a évoquées. On rappelle encore une fois que ce livre est d'une importance on ne peut plus capitale en ce qui concerne ce chapitre, qui n'est autre que le chapitre des noms ou traitant des ou portant sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Un chapitre qui, s'il est maîtrisé, hein, s'il est maîtrisé chez l'individu, lui servira tout au long de sa vie. Hein? Donc c'est dire l'importance d'étudier ce genre de livre qui représente un véritable pilier en ce qui concerne la science des noms et des attributs divins. Donc on est toujours dans la quatrième règle. La quatrième règle du dernier chapitre portant sur les noms et les attributs. Donc cette dernière règle, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est une sorte de complément d'information aux règles précédentes. Naam. ففي هذه القاعدة بين فيها الشيخ العثيمين أن يعني الظاهر الذي يجب إجراؤه عليه، الظاهر من النصوص الذي يجب إجراؤه عليه، ما يتبادر منها أو ما يتبادر منه إلى الذهن، تمام؟ وهذا يكون بأمور، منها على حسب السياق، ومنها ماذا على حسب ما يضاف إليه الكلام، ومنها على حسب تركيب الكلام. نعم. Donc on rappelle que cette règle là elle porte sur le sens apparent des textes, hein, des textes du traitant sur le sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc comme vous le savez, ces textes, yani la règle, le cheminement des gens de la sunna est de laisser les textes dans leur sens apparent. S'il n'y a pas d'indication ou d'indice qui en démontre le contraire. Donc on doit les laisser dans leur sens apparent. Et le sens apparent, c'est le sens premier qui nous vient à l'esprit. C'est le sens premier qui nous vient à l'esprit. Et ça, ce sens premier qui nous vient à l'esprit, il va être différent en fonction de plusieurs choses. En fonction du contexte de la phrase, en fonction de l'être à qui sont attribués les attributs cités ou les noms évoqués, ou mada en fonction de l'organisation des mots de la phrase. Naam. Comme on l'a vu la semaine dernière. على كل حال وصلنا عند قوله عليه رحمة الله إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وقد انقسم الناس فيه، أي في النصوص الصفات التي يجب حملها على ظاهرها، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. Donc, chers les amis, il dit, et si tout le monde reconnaît ce qui a précédé comme parole et comme indication, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu la semaine dernière, alors sachez que le sens apparent des textes concernant les attributs est le premier qui nous vient à l'esprit. Et en cela, les gens divergent. C'est-à-dire dans le sens apparent et dans le premier sens qui nous vient à l'esprit. Donc les gens, Les gens se répartissent en trois catégories en fonction de ce qu'ils vont comprendre comme sens premier. Al-qism al-awwal. Man ja'alu al-zahira al-mutabadira minha ma'na haqqan يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. Donc la première catégorie sont ceux qui qui ont fait du sens premier leur venant à l'esprit, qui leur vient à l'esprit, un sens qui convient à l'être divin, un sens qui convient à Allah Azza wa Jal. Et ils ont laissé les indications de ce sens d'une manière qui convient à Allah Azza wa Jal. Et ceux-là ne sont autres que les pieux prédécesseurs. Ceux qui se sont accordés avec ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et ces pieux prédécesseurs ne sont que ceux à qui on doit l'appellation des gens de la sunna et du groupe. Les gens de la sunna, يعني لأنهم لزموها طول حياتهم. Tout simplement parce que ils se sont accrochés à la sunna. Pourquoi on dit Ahl sunna? Parce qu'ils se sont accrochés à la sunna fermement tout au long de leur vie. Et pourquoi on dit ماذا الجماعه الجماعه لأنهم اجتمعوا على ذلك. Pourquoi on dit Al-Jama'a? Tout simplement, Al-Jama'a, le groupe, parce qu'ils se sont regroupés sur cette voie-là, sur la voie de la sunna, Donc, cette première catégorie sont ou concerne les adeptes, les partisans de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. وقد اجتمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. Donc Cheikh Al-Uthaymeen poursuit en disant que ils se sont tous mis d'accord, hein, les pieux prédécesseurs, ils sont tous unanimes sur le sujet, comme cela a été rapporté par l'imam Ibn Abd al-Barr lorsqu'il dit, et les partisans de la sunna sont tous d'accord sur le fait de reconnaître les attributs qui nous sont évoqués dans le Coran et dans la sunna, de croire en ces attributs et de les laisser dans leur sens réel. Al-haqiqa. Qu'est-ce que ça veut dire, al-haqiqa, ya ikhwan? Al-haqiqa, yani, ma dallat alayhi, ma dallat alayhi min as-sifat. Ma dallat alayhi min as-sifat. C'est-à-dire, ce qu'indiquent ces mots ou ces sens comme attributs. Naam. Là, à l'al-majaz, et non pas d'une manière métaphorique. Non, on affirme les attributs d'Allah comme ils sont, hein, en affirmant, yani, قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان, Allah سبحانه وتعالى a dit qu'il a deux mains, et que ces deux mains, elles sont étendues. Tamam? Donc on affirme le sifa, l'attribut de la main, on l'affirme à Allah Azza wa Jalla. Et non d'une manière métaphorique, c'est-à-dire en disant que la main, ce n'est pas le sens premier que l'on comprend d'une main, mais c'est plutôt les bienfaits. Les bienfaits d'Allah ou autre. Naam. Là, le sunna, ils prennent les sens apparents des textes. Taïb. Illa annahum la yukayifun. Cependant, eux, bien qu'ils affirment le caractère prépondérant des textes ou yani du sens apparent, malgré tout, ils ne comparent pas et ils ne commettent aucune comparaison entre ni ils ne comparent ni ils n'imaginent. Hein? Ils n'imaginent le comment des attributs d'Allah Azza wa Jalla. نعم وقال donc ça c'est la parole de Ibn Abd al-Barr. Ensuite Cheikh Al-Uthaymeen il évoque aussi une parole de Al-Qadi Abu Ya'la. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل. طيب والقاضي أبو يعلى ذكر عنه أنه وقع في شيء من التفويض. نعم وقع في شيء من التفويض كما وقع الإمام ابن قدامة فيتنبه لمثل ذلك فإنه قد يجد الطالب لما يسرد من أقواله ما يؤيد مذهب أهل التفويض فيتنبه لمثل ذلك. Non. Et Abu Al-Qadi Abu Ya'la, il est évoqué de lui qu'il est tombé dans certaines erreurs sur le point de vue ou sur le plan de la aqida en ce qui concerne le tafwid, le fait de vouer la connaissance des sens premiers des attributs Allah Azza wa Jal. Par exemple, tu vas lui dire la main, il va dire la main, on ne sait pas c'est quoi une main. Yani, lorsque on parle d'Allah Azza wa Jal, on ne sait pas c'est quoi et il n'y a qu'Allah qui sait. Tamam? Tandis qu'Ahl Sunnah, ils disent on affirme la main dans son sens premier, mais le comment, Allah alam. Le comment aller, ça, c'est qu'Allah qui connaît. Eux, ils disent non, la main, on ne sait pas si c'est Mada. Un arbre, ou si c'est une voiture, ou si c'est ceci, cela, on n'a pas à rentrer dans le sens d'une manière absolue, et il n'y a qu'Allah qui connaît le sens. Donc ça, c'est une grosse erreur. Non. Et donc, ils évoquent, les savants, que cet imam Abu Al-Qadi Abu Ya'la est tombé dans certains passages, justement, de ce livre, Ibtal al-Ta'wil, dans cette erreur. Et c'est pourquoi l'étudiant en sciences doit faire très attention lorsque il lit dans les livres de lui-même, sans avoir un muallim, sans avoir un professeur avec lui. il doit faire attention lorsqu'il il lit certaines paroles, car certaines paroles peuvent appuyer une manière de penser qui est erronée. Naam. Taïb. Taïb, et pourquoi on ne dit pas de l'imam Ahmed, par exemple, qu'il est tombé dans le tafouïd? مع أنه ذكر عنه القول بلا كيف ولا معنى ها من لهذا السؤال الطيب qui peut répondre à cette question pourquoi on n'a jamais entendu d'un savant qui a dit que l'imam Ahmed est tombé dans la même erreur qu'Ibn Qudama ou que Abu Ya'la Al-Qadi Abu Ya'la en ce qui concerne le tafwid, alors qu'on a une parole de l'imam Ahmed, comme on l'a vu dans l'Umatul I'tiqad, on a vu que l'imam Ahmed, il y a une parole qui est rapportée de l'imam Ahmed, où il dit « Bila kayf wa la ma'na ». On affirme les attributs d'Allah Azzawajal sans chercher leur comment, et même sans chercher leur sens, sans affirmer leur sens ni leur comment. Là, c'est une parole qui est bayen, c'est une parole qui est claire et qui montre la voie de, yani qui suit ou qui aide ou renforce la voie de Ahl al-Tafwid. Donc, comment on pourrait yani répondre à cette question? Ce n'est pas le tafouïd qui est visé par la parole de l'imam Ahmed. Taïb, mais on pourrait dire la même chose de Ibn Qudama. Hein? On pourrait dire la même chose de l'imam Ibn Qudama ou la même chose de l'imam Abu Ya'la. Qui dit mieux? La parole de Akhuna Ismail est juste d'une part, mais elle est manquante. Incomplète plutôt. Qui dit mieux, Juan? طيب. طيب, le réponse est, Juan, tout simplement pour aller vite. Le réponse, c'est que, tout d'abord, comme on a vu dans l'Umatu I'tiqad, cette parole qui est affiliée, qui est attribuée à l'imam Ahmed, du point de vue de son authenticité, fihi nazar. Elle n'est pas authentique, elle ne remonte pas à l'imam Ahmed d'une manière authentique. Parce que dans son sanad, ou plutôt celui qui rapporte cette parole-là de l'imam Ahmed, n'est autre qu'un membre de sa famille, qui s'appelle Hanbal, et qui, en ce qui concerne les paroles de l'imam Ahmed, a énormément rapporté de lui, en ce qui concerne les paroles de l'imam Ahmed dans la Aqida. Il a énormément rapporté de l'imam Ahmed des paroles étranges, qui contredisent même la voix de l'imam, ou du moins qui affaiblissent, ou plutôt qui contredisent voilà, la voix de l'imam Ahmed dans certains points. Donc déjà, la parole, elle n'est pas sahih. Et ensuite, comme l'a dit Ismail, même si elle serait authentique, on l'aurait tourné du sens. C'est-à-dire, on l'aurait tourné dans un bon sens, c'est-à-dire, bila kayf, il n'y a pas de comment, c'est-à-dire, on ne connaît pas le comment des attributs d'Allah. Ça, c'est jusque-là, c'est correct. Et lorsqu'il dit, wala ma'na, il n'y a pas de sens, c'est-à-dire, on n'affirme pas le sens erroné. Le sens erroné que certaines sectes affirment pour certains attributs. Naam. Qala. Wa qala al-qadi Abu Ya'la fi kitab ibtal at-ta'wil. La yajuzu radd hadhihi al-akhbar wa la at-tashaghul bi ta'wilha. Donc le qadi Abu Ya'la, il dit, il n'est pas permis de réfuter et de rejeter ces informations, c'est-à-dire les informations concernant les attributs divins qui nous sont venus dans le Coran et dans la Sunna. Et on ne doit pas être aussi occupé par le bita'wiliha, par le fait de... Et pareil, le mot ta'wiliha, huna, le qadi Abu Ya'la, lorsqu'il emploie le mot ta'wil huna, ça sous-entend le sens que tout le monde connaît. Hein? Yani ma, yani, sarful lafd an zahiri. Et on, yani, c'est-à-dire le fait de détourner le mot de son sens premier. Tamam. Et ça sous-entend aussi, yani, itbat ma dalla alayhi zahirul lafd min al ma'ani. Et ça sous-entend aussi le fait de, d'affirmer les sens premiers que recèle cette parole. Donc là, l'imam Abu Ya'la, fi kitab Ibtal al-Ta'wil, lorsqu'il dit il n'est pas permis de rejeter les informations, c'est-à-dire qui nous viennent du Coran et la Sunna concernant les attributs divins, et aussi il n'est pas permis d'être occupé par le fait d'interpréter les versets, hein, d'interpréter les versets et aussi d'affirmer leur sens, hein, et aussi d'affirmer leur sens. Donc cette compréhension là du mot ta'wil venant de Abu Ya'la, c'est l'imam Cheikh al-Islam qui a expliqué le but visé de cette parole-là venant de l'imam Abu Ya'la. Tamam. En disant que lui, quand il parle de ta'wil, il ne se limite pas seulement à dire yani, que le ta'wil, c'est le fait de détourner le sens premier d'un mot vers un autre. Non. Le mot ta'wil, ça sous-entend cela, mais ça sous-entend aussi chez lui le fait de ne pas affirmer le sens premier du mot. Non. Donc pour lui là, c'est comme si il réfutait à la fois sarf al-lafz an zahireh ou à la fois at-tafsir, parce que le mot ta'wil aussi on peut il signifie aussi le tafsir. Donc cette parole là, même si Cheikh al-Uthaymeen l'a utilisé pour appuyer l'ijma', et bilachek, que c'est juste, mais il faut savoir que l'imam Abu Ya'la, dans cette parole-là, il n'est pas exempt d'erreur. وَلَا التَّشَاغُلْ بِتَأْوِيلِهَا وَالْوَاجِبْ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا. Et ce qui est important, ce qui est obligatoire, c'est de prendre les textes dans leur sens apparent. Ce qui est obligatoire, c'est de prendre le texte dans leur sens apparent. Et ça y est, Juan, donc le fait que tantôt, c'est-à-dire juste avant, il englobe dans son interdit, c'est-à-dire le tafsir, lorsqu'il parle de ta'wil, et juste après, il nous dit qu'on est obligé de prendre le sens apparent. Là, il y a une forme de contradiction. Et c'est pourquoi les gens de... Il y en a beaucoup d'imams ou beaucoup de gens qui ont aidé la voix de Ahl al-Tafwid. On verra dans leurs paroles qu'il y a des contradictions. Donc, ils disent qu'on ne doit pas rentrer dans le sens. Le sens premier de l'attribut, on ne le connaît pas. Et après, ils viennent te dire, on le prend dans un sens apparent. Ça, c'est une forme de contradiction. C'est une forme de contradiction. À la kulihal, nous, ce qui nous importe, c'est le fond du texte et non la forme. Hein. Ce qui nous importe, c'est le fond du texte qu'a rapporté Cheikh al-Uthaymeen de l'imam Abu Ya'la. طيب قال والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفة الله لا تشبه صفة سائر الموصوفين بها من الخلق. نعم. Et lorsqu'il dit que il continue al-Qadi Abu Ya'la en disant ceux-ci sont, c'est-à-dire ces attributs évoqués dans les textes, sont les attributs d'Allah et ils ne sont nullement comparables aux attributs de toutes les créatures. Tamam, aux attributs de toutes les créatures. Là, lorsqu'on parle de qu'ils ne sont nullement comparables aux attributs, c'est pas d'une manière absolue. Parce qu'il y a, comme on l'a déjà vu, il y a des attributs où il y a un niveau de comparaison entre le créateur et la créature. Par exemple, fait partie des attributs de la créature qu'il est présent. Hein? Le fait d'être présent, existant, mawjoud, hein? Et ben, Allah subhanahu wa ta'ala aussi est existant. Donc, sur ce point de vue-là, sur la base de l'attribut, il y a un lien subtil et une comparaison subtile qui est à établir et qui est établie réellement. Tamam. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de comparaison entre Allah et sa créature, c'est sur le comment, hein, et sur la, la comparaison apparente. Le comment sont ses attributs, ça, il n'y a aucune forme de comparaison possible. Tamam. Non. Mais sur, en ce qui concerne la base de l'attribut, il y a une forme de comparaison. Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent. Allah subhanahu wa ta'ala est vivant. La créature aussi est vivante. Non. Donc, sur le point de vue, sur la base de l'attribut, il y a une comparaison qui est effective. Non. Donc là, quand l'imam Abu Ya'la il dit qu'il n'y a pas de comparaison entre les créatures, voilà l'explication plus approfondie de cette parole. طيب. ولا يعتقد التشبيه فيها ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن, et on ne doit pas croire qu'il y a une quelconque comparaison à faire entre les attributs d'Allah Azzawajal et les attributs des créatures. Donc, pareil, ça, c'est pas dans l'absolu, comme on vient de l'évoquer précédemment. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. Cependant, comme cela a été évoqué de l'imam Ahmed et la majorité ou le reste des imams. طيب ونقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين. Donc ça c'est la voie juste, hein, la voie d'Ahl Sunnah qui prend des textes concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, le sens apparent, le sens premier qui nous vient à l'esprit, en faisant attention au contexte de la phrase, en faisant attention à qui est attribué la parole ou les attributs, et en faisant attention à l'organisation des mots dans cette phrase-là. Ça, c'est la voie juste, et ce de deux points de vue. « Qala » الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من من تتبعه بعلم وإنصاف. Tout d'abord parce que c'est la mise en pratique totale de ce qu'indique le Coran et la Sunna. En ce qui concerne l'obligation de prendre les textes qui nous vient concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. ثانيا الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل لأنهم كانوا في أحسن العصور وفي زمن الحق يعني زمن الذي قوي فيها الحق تقوية لا يعلم له أو لا يعلم لها مثيل فيما بعدهم طيب deuxièmement on leur dit ماذا que la vérité est forcément dans ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs ou dans ce qu'on dit autre que eux. Donc, forcément, ce qu'on dit autre que les pieux prédécesseurs, c'est caduque, bâtel. Pourquoi ? Parce que les pieux prédécesseurs, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait vivre dans la meilleure des époques. Quand on dit les pieux prédécesseurs, c'est les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'à nos jours. Tamam. Mais en l'occurrence, là, lorsqu'on parle des pieux prédécesseurs d'une manière indicative, il s'agit des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui les ont suivis, les trois, les Qurun al-Mufaddala. Et ces personnes-là ont vécu dans l'époque de la vérité. L'époque dans laquelle la vérité a pris toute son ampleur. Kanu yujahiduna al-kuffar ila aqsa al-alam. C'était une époque où ils pouvaient combattre les mécréants dans n'importe quelle terre du monde. Une époque où l'islam avait toute sa grandeur et toute sa puissance, toute sa noblesse. Donc, forcément, cette génération est bien meilleure que les générations qui les ont suivies. Et forcément, cette génération est plus dans le droit chemin, ou fut plus dans le droit chemin que les générations qui les ont succédé. طيب الثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل كلام جميل ومقتضى ذلك أن يعني إذا كان اللازم باطل باطل الملزوم به نعم دونك لا الشيخ العثيمين اللي دي aussi parce que les salafs parmi les compagnons et les gens qui les ont suivis soit ils ont parlé d'une parole fausse d'une manière claire et apparente وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا مَرَّةً وَاحِدَةً alors qu'en vérité ils n'ont jamais parlé de la même manière que les sectes égarées. Hein, ils n'ont jamais parlé de cette façon, que ce soit d'une manière claire ou d'une manière apparente. Naam. Taïb. Afwan, je reviens sur la lecture là. لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق. Tout simplement parce que en fait c'est ça. Ouais. Tout simplement parce que si on dit qu'il y a une autre que ceux qui sont dans la vérité ماذا sont ceux qui ont parlé d'une parole autre que celle des pieux prédécesseurs. Cela impliquerait que les pieux prédécesseurs ont parlé d'une parole erronée, d'une parole caduque, d'une parole fausse, et qu'ils n'ont jamais parlé d'une manière claire et apparente en disant la vérité sur ce qui nous est obligé de croire. Et ça implique encore une autre implication, ça implique que ces pieux prédécesseurs, soit ils étaient ignorants de la vérité, ou soit ils la connaissaient mais ils l'ont cachée délibérément. Et ces deux implications sont, comme vous le savez, caduques. وَبُطْلَانُ اللَّازِمْ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْمَلْزُومِ. Et le fait que les implications soient caduques, ça indique que ce à quoi elles appellent, ou ce à quoi ce qu'elles impliquent, est aussi caduque. فَتَعَيَّنَا أَنْ يَكُونَ الْحَقِّ فِي مَا قَالَهُ السَّلَفُ دُونَ غَيْرِهِمْ. Donc, c'est ainsi qu'on comprend que la vérité ne peut qu'être que dans les paroles des pieux prédécesseurs et non pas dans les paroles d'autrui, d'autres que eux. نعم نكتفي في هذا الدرس بهذا وإن شاء الله سنأخذ من ماذا